Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au théâtre, une tragédienne. Et au cinéma. Elle n'aimait pas le cinéma, ne savait pas qu'une actrice pouvait être la créatrice du film. Oui, tragédienne au théâtre baroque. Comment trouver, chercher en tout cas, la simplicité à travers une personnalité touchante au bizarre. Quelqu'un de surnaturel, disait d'elle François Perrier. Maria Cazares, dans ses rôles au cinéma, cherchait à servir de grands écrivains et de grands poètes. Mardi du cinéma, première diffusion sur France Culture, le 27 mai 1997. Les mardis du cinéma, Maria Cazares et le cinéma, une rencontre différée, par Florence Marquis. Forme positive du superflu et de la richesse. Je ne t'attendais pas à ça, hein, Douska. Parfait. Tu as une belle voix très claire, tu auras 200 francs par séance. Et maintenant, excuse-moi, il faut que je dorme. Le nombre considérable de rôles que Maria Cazares a interprétés au théâtre, elle joue plus de 100 pièces du répertoire classique, contemporain, français et étranger, occulte parfois une carrière cinématographique plus restreinte, car elle ne tourne que dans une vingtaine de films, parmi lesquels figurent des films cultes du cinéma français. Les Enfants du Paradis, Les Dames du Bois de Boulogne, La Chartreuse de Parme, Orphée. Sur ses relations parfois tendues avec l'œil implacable de la caméra, Maria Cazares s'est exprimée dans son livre « Résidente privilégiée » et dans un entretien de 1958 publié dans Radio-Télévision Cinéma, où elle analyse son rapport au cinéma, froide chirurgie des sentiments. Son point de vue radical, parfois violent, laisse poindre le regard acéré de celle qui ne se lasse pas d'interroger, de se confronter, de refuser le statut d'objet pour privilégier une création commune entre des partenaires. Relation qui lui échappe au cinéma, dans le studio, sorte de salle d'opération, où elle se trouve confrontée à une caméra parfois inquisitrice, qui force peut-être trop brutalement au dévoilement. Retrait volontaire ou rencontre différée, paradoxalement, Maria Cazares ne s'est pourtant jamais totalement détournée du cinéma. Défi ou combat pour préserver sa vérité. Je trouve le cinéma un travail commun, enfin de communauté, et surtout une chose intéressante pour le metteur en scène et les techniciens, mais surtout pour le metteur en scène, c'est le seul, à mon avis, qui ait quelque chose à créer. Quant aux acteurs, il faut nous soumettre à être des outils, et des outils qui doivent oublier une pudeur qu'au théâtre, on oublie, pour deux raisons. D'abord parce que le public suit l'action avec vous. Donc, il est dans l'action avec vous. Et puis, d'autre part, parce que la continuité du personnage vous donne une sorte, non pas de fièvre, non pas d'état, je n'aime pas ça, mais une espèce d'oubli, quoi, sa propre personnalité. Alors, on peut arriver à se dépasser soi-même, et je crois que c'est le seul intérêt pour un acteur, c'est d'arriver à ces moments où on se dépasse soi-même. En 1964, Maurice Béjart crée au Théâtre Héberto, pour Maria Cazares et Jean Babilet, La Reine Verte, chorégraphie filmée par Jean-Claude Carrière. Mais le corps de Maria, c'est très important, c'est très important. C'est quelqu'un qui jouait avec son corps, quelqu'un qui transpirait, qui luttait, qui se battait contre son corps. Et en ça aussi, on était pareil, puisque on avait à peu près une pédomorphologie comme ça, trapu, costaud. Et on était deux êtres qui nous sommes battus contre notre corps. Elle, beaucoup plus vocalement, bien sûr, parce que c'est quand même la voix. Mais je crois qu'elle envisageait ses rôles à la fois comme une performance sportive et comme une chorégraphie. Elle me disait, je ne peux pas savoir qui est cette femme si je ne sais pas comment elle marche. Donc, vous voyez, il y avait l'aspect d'abord du geste, avant même de l'aspect psychologique. Et ça, je crois que c'est il y a un côté pascalien dans la démarche, il y a un côté religieux espagnol dans l'irreligion. L'Espagne est un pays totalement religieux, mais qui est toujours à la frontière de l'irreligion totale, à la frontière de l'ironie par rapport à la religion. Pardonne-moi, Baptiste. J'étais venue. Oui, je croyais te trouver seule. Tout seule. Oui, tu comprends. C'était jour de fête, le carnaval. Le petit était tellement content. Alors j'étais venue. Il est déguisé en hussard. Oui, un joli costume de hussard. Oh, je vous en prie, ne me laissez pas comme ça, toute seule. C'est affreux. Parlez-moi au moins. Répondez-moi, dites quelque chose. N'importe quoi. Dites-moi de m'en aller, riez-moi, on est si vous voulez, mais ne me laissez pas comme ça. Nathalie. C'est tout ce que tu trouves à dire. Agnès Aquerib entame une carrière littéraire après avoir vu Maria Cazares dans Orphée de Jean Cocteau. Maria Cazares vient du théâtre. Quand elle joue Les Enfants du Paradis, elle joue en même temps le soir, tous les soirs, la pièce de Thésée. Donc c'est cette, comme elle le dit elle-même, une espèce d'araignée noire qu'il remarque. Donc je pense qu'à partir de ça, sa carrière cinématographique se joue et se fixe dans l'esprit des réalisateurs qui ne voient en elle qu'une espèce de mante religieuse ou une mante noire. Et lorsque Maria Cazares entreprend sa carrière cinématographique, elle est très jeune. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant qu'avec, elle a quoi, à peine 22 ans, je crois. Et déjà, c'est une femme. Et quand elle la voit à l'écran, on se rend compte qu'elle n'a pas d'âge. Elle peut avoir 30, 35, même 40. Même dans des moments de simplicité où il n'y a aucun sourire, c'est le sourire d'une femme qui a vécu, le sourire d'une femme qui a souffert. Et elle a souffert, bien entendu, parce que c'est une émigrée, parce qu'elle a vu son père en prison, parce qu'elle est dans un pays inconnu, mais en même temps, avec un désir éperdu de se faire aimer, elle le dira toute sa vie, « Aimez-moi, aimez-moi ». Et quand elle écrit son livre qui s'appelle « Résidente privilégiée », elle reconnaît à la France ce que la France lui a donné, le droit d'exister. Lorsqu'elle joue ses premiers rôles au cinéma, donc elle est cette réfugiée espagnole dont vous parlez, elle a 22 ans et... Elle joue donc la même année, en fait, en 1944, à la fois Les Enfants du Paradis et Les Dames du Bois de Boulogne. Alors, c'est assez étonnant parce que ce sont deux esthétiques très, très différentes. Et en même temps, c'est là aussi peut-être où on se rend compte qu'elle a deux âges presque opposés dans ces deux films où elle joue la même année avec le même âge, non ? Oui, c'est là où il y a une distance énorme. Et c'est là où on peut peut-être approcher la dualité de Maria Cazares, qui est à la fois, comme je le disais il y a un instant, très jeune et en même temps très mûre. Mais ce qui me dérange, moi, c'est que les cinéastes qui l'ont fait travailler n'ont vu que son aspect dramatique et ont forgé une image qu'elle a rejetée à un certain moment donné. Parce que, autant au théâtre, elle pouvait donner chair et corps à ces personnages, autant au cinéma, elle n'était qu'un objet entre leurs mains. Entrez, entrez, Nouche. Approchez. Asseyez-vous. Parlez un peu pour entendre. Mais je sais. D'habitude, on dit pour boire. Moi, je ne vois presque plus. Allez, dites une chose. Mais vous n'avez pas 100 ans. Extrait du livre de Maria Cazares, Résidente privilégiée, lu par Catherine Sauvage. À l'encontre de la scène d'un théâtre, puisque l'on s'entête souvent à demander aux comédiens « Préférez-vous le cinéma ou le théâtre ?» comme si l'on pouvait trouver une analogie quelconque entre les deux activités. Le studio de cinéma est toujours resté pour moi un lieu où, dès mon arrivée le matin, avant même de passer à la loge de maquillage, je me dépouillais de toute initiative personnelle que je déposais au vestiaire avec mon manteau pour me tenir prête à suivre les indications de la direction, répondre aux exigences de la technique, aux nécessités des heures de pointe, ou bien à attendre durant les longues périodes creuses. Très tôt le matin, à peine sorti du lit, à cette heure où les mondes basculent entre le rêve et la veille, on me prenait en voiture, on m'emmenait sur les lieux, on m'asseyait sur un fauteuil de dentiste, on me maquillait, on me coiffait, on m'habillait, et jusqu'au soir, on me suivait pas à pas, afin de replacer un faux pli de mes vêtements, repoudrer une aile de mon nez, raccorder le cosmétique de mes cils brouillés, me remaquiller les lèvres, ou remettre en place un cheveu cabré. La prise d'un plan durant l'espace d'une minute, trois au maximum, pendant laquelle, devant l'œil rond, fouilleur, boulimique, implacable de la caméra, et les regards d'inspecteur que prennent les participants de cette cérémonie fugace à répétition, il fallait se donner. Et cela à plusieurs reprises, à la file, sans vergogne, autant de fois que le souhaitait le seul agissant et créateur dans la circonstance, le metteur en scène. Ensuite venait le creux, l'attente, le vide, et ainsi jusqu'au soir. Avez-vous écrit « Ce corps qui nous contient ne connaît pas les nôtres, qui nous habite est habité, et ces corps les uns dans les autres sont le corps de l'éternité. » Elle apparaît toujours en noir, taille fine. C'est une petite femme, mais à l'écran, elle est immense. C'est comme une liane sombre, toujours vêtue de voile ou de manteau noir. C'est ça qui va fixer son image dans l'esprit du public. Quand on regarde de nouveau les Dames du Bois de Boulogne, qui ont été tournées en 1945, ou un peu plus tard Ombre et Lumière en 1950, c'est-à-dire entre un Bresson et un Calef, le même scénario revient. C'est assez étonnant. C'est une femme qui aime et c'est une femme qui est flouée. Dans un cas, elle se venge, dans l'autre, elle est abandonnée. Mais dans les deux cas, elle est abandonnée. C'est une femme désastrée, en quelque sorte. Et ce qui est extraordinaire quand on la regarde, c'est ce jeu tellement subtil entre la passion qui la ronge, qui l'anime, mais qu'elle retient, je dirais, qu'elle retient, elle ne laisse pas paraître, elle ne crie pas, elle ne se roule pas par terre. Et tout est en retenue, c'est cette espèce de femme sombre espagnole, dramatisée depuis l'enfance, en quelque sorte, et qui porte cela à l'écran, peut-être aussi parce que, à l'époque, on voyait les Espagnols très dramatisés aussi. Donc on la confine dans ce rôle-là, et elle se laisse prendre à ces filets-là. Y a los tres o cuatro días, otro beso me pidió, algo el primero tendría. Ay, qué bonito el fandango, al amanecer el día. Au théâtre, le public suit l'action avec vous, comme si on faisait un chemin ensemble, quoi, c'est le dernier acteur. Donc, ça ne fait pas du tout la même impression que quand on a une caméra qui vous regarde et qui vous fouille, vous. Et quelques personnes qui regardent en détail ce que vous faites, bon, pour essuyer une larme qui marche de travers ou quelque chose comme ça. Alors ça, les machines, les lumières, les découpages, la timidité, quand j'étais horriblement timide et sauvage, ça me mettait dans un état invraisemblable de vraie terreur. Au cinéma, devant la caméra, je me sentais en effet l'impression que je me dénudais. Or, même au théâtre, quand je fais par exemple des cauchemars, vous savez les cauchemars de théâtre qu'on dit, qu'on ne sait pas son rôle, etc. Non, moi c'est pas ça. C'est que je ne trouve pas les habits pour m'habiller. Baptiste, écoute-moi. Réponds-moi. Ne crains pas de me faire souffrir. Ce n'est pas grand-chose de souffrir puisque tout le monde le fait. Mais je veux savoir. Je veux que tu me répondes tout de suite. Sans réfléchir, tout de suite, tu entends? Regarde-moi. Pensais-tu toujours à elle quand tu vivais avec moi? 1988, Au Théâtre National de Gennevilliers, Bernard Sobel filme Maria Cazares, interprète des cubes, reine de Troie, barbare, prisonnière de guerre, dans sa mise en scène de la pièce d'Euripide. Je pense que ce qui la faisait ne pas aimer le cinéma, c'était qu'elle n'était pas maîtresse de son travail dans une durée précise. C'est-à-dire, le film dure 1h30, elle travaillait 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc sa relation au public n'était pas... Elle était utilisée, mais elle n'avait pas le sentiment de travailler. Et donc, comme elle n'avait pas suffisamment fait de cinéma, elle n'avait pas encore compris, comme certains acteurs, qui connaissent très bien ce côté désavantageux du cinéma, mais qui savent quand même, qui savent être les auteurs du film, dans le fond. Comme un grand acteur américain, ou je dirais Cary Grant, ou Audrey Hepburn, ou je ne sais pas qui. Je pense qu'aux États-Unis, on aurait fait des films avec elle, où elle aurait été en fait, en quelque sorte, la créatrice du film, et pas simplement une actrice. Si on pense, comme certains disent, que Cary Grant faisait le film, ou Gary Cooper faisait le film, elle aurait été capable de faire le film. Oui, parce que c'est assez singulier quand on la voit, par exemple, dans Orphée, à un moment donné, bon, dans le tribunal. Hein, elle est là, on sent qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Alors, elle allume une cigarette et elle fume. Bon, c'est acteur studio, enfin. Oui, absolument. Non, mais elle aurait pu faire le film, c'est-à-dire, travailler comme les grands acteurs américains. Mais les cinéastes attendent cette intelligence de leurs acteurs, les cinéastes américains. Il me semble que c'est pas toujours le fait des cinéastes français. Réponds-moi, Baptiste. Toujours tu penses à elle. Tu étais avec elle. La nuit aussi, réponds-moi, même la nuit. Garance ! Garance. Et moi, Baptiste ! Et moi ! Paris, occupée par les Allemands. Elle joue. Elle est une réfugiée espagnole. Et en tant que telle, elle n'est pas inquiétée. Mais elle vit avec sa mère et elle ont des amis. Et elle a surtout une amie magnifique qu'elle adore, qu'elle protège, elle et sa famille, et qui viennent se réfugier chez eux. Et comme dit sa mère, personne ne va penser que des Juifs vont venir se réfugier, c'est des réfugiés espagnols. C'est très très drôle. Seulement voilà, destin ou pas destin, cette amie, un jour, retourne dans son appartement pour fêter un anniversaire. Et ce jour-là, comme par hasard, ils sont pris toute la famille. Et en même temps, c'est à cette période-là qu'elle est obligée en fait de jouer dans ces films parce que pour elle, c'est. Alors elle joue. Elle est obligée d'accepter. Elle peut pas faire autrement. Oui, elle joue une Ariane au théâtre. Elle est aussi une espèce d'araignée, comme elle dit, une araignée totale, menant aisée à la fois à sa perte et à sa délivrance. Et en même temps, elle joue les enfants du paradis. Le jour. C'est très curieux. Donc elle n'arrête pas de travailler. C'est une manière d'exister, de survivre. Dans cette époque complètement troublée de cette guerre qui n'en est pas une et de cette occupation où elle essaye de jouer uniquement. De jouer. Parce qu'elle est bien entendu sollicitée par des officiers allemands. Elle est courtisée par plein d'hommes. Elle refuse, elle joue. Elle s'abîme, je dirais, elle s'abîme dans le jeu. Et elle traverse donc toute cette période dramatique jusqu'à sa rencontre avec Camus. Comédienne, ce soir, comme tous les soirs, jusqu'à la fin des temps. C'est beau un théâtre. C'est vivant. Mon signe aimé. Viens. Tu dois avoir faim. Attends. Pour moi, d'abord, c'était le premier rapport avec le cinéma, que je ne sais pas, que je ne connaissais pas et qui n'avait pas de rapport avec ce qui était là, c'est-à-dire le théâtre. Et alors, les impressions que j'ai sont très subjective, vous voyez, et épouvantée. Non pas de Marcel Garnet, qui a été formidable, mais du tout. Enfin, j'ai failli quitter, je voulais quitter, je voulais ne plus tourner. Enfin, c'était une catastrophe. Mes rapports avec le cinéma. Malgré la présence de Garnet qui... On m'avait dit qu'il était très, très, très, très dur comme ça avec les acteurs et qui, avec moi peut-être à cause de mon épouvante, a été d'une tendresse, d'une gentillesse et d'une compréhension qui dépassait la mesure même. Bon. Alors pour moi, il est resté comme ça un personnage, comment vous dirais-je, un tout petit peu de science-fiction. Un tout petit peu comme on imagine, vous savez, les personnages, les extraterrestres, plein de rails autour, de mécaniques, de choses autour. Un petit personnage, puisqu'il est menu, Garnet. Et au milieu de tout un monde comme ça construit, au milieu de la technique, de la mécanique, qui m'était révélée pour la première fois, quoi. Et là, au milieu de cela, les rapports directs où il a été, il a fait même des choses invraisemblables, parce que la première scène que j'ai dû tourner avec Garnet, je tremblais tellement, tout tremblait tellement, les joues, le nez, tout, que au bout de quelques temps, il m'a dit, mais ça va très bien. Il était très content, mais il m'a dit, mais il faudrait quand même que vous calmiez maintenant. Alors je transpirais, on mettait de la glace d'un côté, on me la mettait de l'autre, pendant qu'on me mettait l'autre côté transpirait, etc. Et alors à un moment il m'a dit, est-ce que ça vous gêne qu'il y ait des gens sur le plateau? J'étais affolée, j'ai dit oui, comment je pouvais dire non, enfin. Il a envoyé tout le monde, et puis ça continuait, il m'a dit, est-ce que ça vous gêne encore quelqu'un? Je crois bien que je lui dis oui, vous. Et il a disparu, je ne sais pas s'il a disparu du plateau, mais il a disparu. C'est-à-dire que je tournais le premier plan que j'ai tourné, en fait avec la caméra. C'est une démarche très sérieuse, très délicate, et qui me bouleverse. J'hésite autant moins à la faire que vous avez toujours été pour nous d'une bonté inimaginable. C'est au nom d'une amitié ancienne que je vous parle. Vous permettez? Allô, oui? Oui, c'est moi. Mais partez, mon ami, partez. Quoi? Que je ne m'occupe pas de vous? Et je m'occupe de vous, je ne m'occupe même de rien d'autre. Si. Et que voulez-vous que j'y fasse? Eh bien, partez. Je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites. Ma chérie, vous nous aimez beaucoup. Vous nous en avez donné la preuve et nous allons certainement nous comprendre. Je ne sais pas dans quelle mesure le rôle que nous jouons dans votre vie peut vous être utile. Utile à rien, grand Dieu. Agnès traverse une crise assez dure. J'aimerais que vous et moi nous l'aidions. Nous lui facilitions les choses. Vous comprendrez que nous sommes trop liés à vous par la connaissance pour faire un geste sans votre accord. Mon accord? Si, nous avons des devoirs envers vous. Agnès en souffre. J'aimerais entendre de votre bouche que vous la laissez libre. Libre? Réalisateur, Michel Dumoulin suit Maria Cazares dans son parcours théâtral. Il la filme au travail, dès 1966, dans Derrière les paravents de Jean Genet, Médéa ou la vie d'un rôle, puis Les Bonnes de Jean Genet, Elle est là de Nathalie Sarraute, La vie que je t'ai donnée de Luigi Pirandello. En 1980, il tourne Maria Cazares, résidente privilégiée, ou Partition pour un livre. Bresson était à son second film, il y avait Les Anges du péché, qui lui avait beaucoup plu d'ailleurs à Maria comme spectatrice. Et puis il lui a demandé donc d'être l'héroïne des Dames du Bois de Boulogne, mais elle ne connaissait pas la façon dont il travaillait. Et alors elle a écrit un très beau texte là-dessus, un texte très fin, très approfondi, très intelligent, sur la façon dont il travaillait et qu'elle ne pouvait pas admettre. C'est-à-dire que Bresson avait l'envie, dit-elle, de devenir l'objet qu'il posait sur la cheminée ou sur la table. Il avait pu être le cendrier, il aurait été le cendrier, dit-elle. Et c'était pareil avec moi, disait-elle, parce que on refaisait 20 ou 30 fois une prise, parce que j'avais un cheveu qui arrivait sur le coin de l'oreille et il voulait que ça arrive sur le cou. Quand je me retournais, que j'étais au piano, bon, et c'était donc une espèce pour moi, disait-elle, de suppression du jeu d'acteur. En plus de ces gestes, il y avait le contrôle permanent de l'intonation de la voix Et elle écrit que Bresson les saoulait, Lucienne Bogaert et elle-même, au cognac pour que leur personnalité soit complètement diminuée et qu'elles finissent par annonner, puisque c'est ce qu'après il a fait faire par des amateurs. Et tout ça l'a énormément gêné, parce qu'en effet, si un acteur devient un objet, surtout une actrice de la taille de Maria, eh bien, il n'a plus d'intérêt pour lui-même, pour s'exprimer. Vous pensez peut-être aussi, vous savez, à cette fameuse scène de la voiture, lorsqu'il y a ces essuie-glaces, parce qu'il y avait une diction très, très particulière, enfin, qui devait peut-être aller à l'encontre même de la façon qu'elle avait de parler. Oui, non, Maria ne supportait pas la façon dont Bresson voulait que les acteurs soient dans une neutralité totale, avec un ton qui est pour moi d'une grande afféterie, et elle trouvait ça extrêmement ennuyeux, et encore une fois, elle trouvait que l'acteur, à ce moment-là, n'apportait rien qu'un physique extérieur, qu'une image, et c'est pas ce qui l'intéressait. Elle n'était pas la seule à penser ça, d'ailleurs. Lucienne Bogaert, sur le tournage, était pareil, parce que c'était une femme d'une grande personnalité aussi, et voilà. Mais sans surjouer, moi je trouve que c'est le film de Bresson le plus intéressant, parce que justement, les actrices n'ont pas pu, enfin Maria en tout cas, gommer leur personnalité. Et elle garde une expression profonde de ce que le personnage doit faire ressentir sans avoir ce ton qui n'est pas exactement neutre d'ailleurs, qui est un ton plat, généralement triste, d'un ennui mortel qui fait que aujourd'hui, même si Bresson est un immense cinéaste et qu'il a apporté comme un peintre un renouveau dans la mise en scène au cinéma, moi je ne peux personnellement pas accepté, même dans ces films qui me touchent quand même, la dépersonnalisation de l'acteur. Je vous laisse complètement libre. C'est vous qui n'êtes plus libre. Vous en êtes au mariage. Au mariage? Ma chère Agnès, vous êtes drôle. Vous rendez un homme fou. Que voulez-vous que j'y fasse? Choisissez vous-même. Vous mariez? Dans ce film, Maria a été habillée par Gray, la grande couturière. Et c'est peut-être ce qui a donné à Cocteau l'idée de la prendre pour jouer la princesse La Mort dans Orphée. C'est que Maria avait cet immense talent de penser toujours au corps. C'était une femme petite qui paraissait grande. Dans Orphée, elle est très grande. Et elle a su donner à ses attitudes, à son corps, toujours une prestance qui allait au-delà de simples réalités. C'est pour ça que dans Orphée, elle incarne un mythe. Et dans Les Dames du Bois de Boulogne aussi, on peut dire que c'est pas Hélène, c'est la vengeance incarnée. C'est ce qui l'intéressait d'ailleurs, c'est dépasser toujours le premier degré, quoi. Et dans Les Bonnes, avec moi, elle me disait, mais madame, ça n'est pas une bourgeoise qui n'aime pas ses domestiques. C'est pas ça, parce que Genet écrit toujours en transposant. C'est peut-être le phénomène d'un intermédiaire entre le sacré, monsieur, qui n'est jamais là, qui serait peut-être Dieu, et les profanes, qui sont donc les bonnes. Et c'est pour ça que, en le jouant dans mon film, elle était habillée par Gray, et avec une espèce de chasuble, un peu comme une robe du soir noire, mais qui faisait penser à un ecclésiastique. Elle me disait, je vais penser, en interprétant madame, à un évêque qui a des rapports entre Dieu et les profanes, et on ne sait pas trop quoi, mais qui n'est pas clair. Les gens ne sont pas des criminels, Agnès. Soyez donc une femme, luttez, ne gâchez pas éternellement votre vie. Je vous parlerai après les choses changent. Irina Labourdette, vous avez travaillé avec Robert Bresson pour Les Dames du Bois de Boulogne. Dans Les Dames du Bois de Boulogne, vous interprétiez Agnès et son chapeau. Plusieurs de ses chapeaux, un chapeau haute forme et un chapeau étrange que Bresson avait voulu, qui n'était pas un chapeau tout en étant un chapeau. C'était bizarre, mais c'est resté un petit peu dans le souvenir des Dames du Bois de Boulogne, ces chapeaux étranges. Elina Labourdette, comment s'est passé ce tournage assez exceptionnel des Dames du Bois de Boulogne? Oui, parce que nous avons tourné dans des conditions extrêmement difficiles, à la fin de la guerre, avec encore des bombardements, nous tournions à Épinay et il y avait la sirène et nous partions tous dans les abris pour nous protéger. Et on tournait de nuit, une grande partie du film a été tournée la nuit. Bresson est un homme, il imposait un ton, il imposait une cadence de diction, il imposait beaucoup de choses. Et quand on est une jeune comédienne comme j'étais à l'époque, je me laissais faire et parfois j'ai un ton qui n'est pas le mien dans la vie. Voilà. Et il a demandé ça de tous les acteurs qui tournaient dans le film. C'est-à-dire que vous interprétiez Agnès, il y avait Maria Cazares qui interprétait Elena. Et alors, vous étiez donc ces comédiennes et en même temps, toutes les deux, en fait, vous deviez... Il y avait une sorte de scansion presque, de ces phrases très courtes. Oui, de ces phrases très courtes du texte de Cocteau, de Jean Cocteau. Et il était un homme très bien élevé sur le plateau. Il ne parlait pas beaucoup, mais il savait tellement ce qu'il voulait, aussi bien pour les places que pour les regards. À ce moment-là, vous dites cette phrase, mais vous tournez la tête tout de suite après. Votre regard doit se poser sur... Enfin, c'était terrible. Je me suis souvent demandé s'il aimait les acteurs. Voilà, je ne sais pas s'il aimait les acteurs. Je crois qu'il aurait fait de très beaux films avec des robots. Il y a un côté cruel quand même chez Bresson pour les Dames du Bois de Boulogne. Ah oui, oui, oui, oui. Il y a une cruauté, mais qui est rendue dans le film. Peut-être fallait-il ça, être cruel pour que les personnages, en tout cas la vengeance, soit vraiment là. Parce que ça monte, ça monte, ça monte. C'est affreux quand elle joue du piano et qu'il lui dit « je l'ai vu », etc. Mais recommencer, elle le torture. Non, il ne faut pas les embêter. Mais non, je ne veux pas vous donner leur adresse. Alors, ils cherchent partout pour retrouver l'adresse d'Agnès. Et il y a une très jolie scène au Bois de Boulogne, à la cascade. Elle surveille tout ça. Elle manipule ses marionnettes, la mère et la fille. Alors, ma résolution est prise. Elle est solide. Et Dieu sait que nous ne sommes ni vous ni moi de la race qui épouse. Oh, moi. Vous vous voyez mariée? Oui. Et aujourd'hui, je peux vous le dire. Mais avec un seul homme. Qui? Vous. Elle dit de Bresson, il nous tuait doucement, gentiment, pour ne garder que la carapace. Ça, c'est terrible. Et elle ajoute d'ailleurs, s'il y avait eu un peu plus d'humanité, un peu plus de chaleur, est-ce que le film n'aurait pas gagné en beauté? Je cite de mémoire. Hein. C'est terrible ce qu'elle dit là de Bresson. Mais c'est vrai. Mais nous, avec le recul, quand on voit ce film... qui est d'une étrange modernité. C'est fou, parce qu'il est tellement épuré, il est tellement beau, il est tellement magnifique, elle est remarquable là-dedans, remarquable. C'est un drame antique. Mais peut-être qu'à l'époque, quand elle l'a tourné, elle ne s'en est pas rendue compte. Elle n'a pas vraiment compris, peut-être, je dis bien peut-être, ce que Bresson voulait. Elle s'est sentie objet dans les mains de Bresson. Elle ne s'est pas sentie aimée. Mais ce n'était pas ça, le propos de Bresson. Il voulait habiller son idée. J'ai tué l'amour parce que j'avais peur. Peur que lui ne me tue à grands coups de bonheur. J'ai désapprouvé mon mariage. C'est une fille qui vous convient à merveille. Vous avez beaucoup de chance. Je suis si heureux de la tenir debout. Et après le rôle que je vous ai fait jouer, d'avoir enfin à vous demander un service propre. Un service qui ne puisse vous causer aucune gêne. Je remets mon sang entre vos mains. Dites-leur mes intentions. Je sens qu'il faudrait très peu de choses pour les convaincre. Mais mon cher Jean, pas si vite. Pas si vite. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de vous. C'est indispensable que je me renseigne davantage, que vous ne vous lanciez pas dans une aventure. Je vous m'avais dit qu'elles étaient parfaites. Bien entendu, elles sont parfaites. Si les choses aboutissent, je me mets complètement à leur disposition. Elles ont l'air d'éviter le monde. Si elles le désirent, nous ferons une cérémonie toute simple, sans personne. Pourquoi, au contraire? Je vois un grand mariage. Laissez-moi organiser tout. Je m'en charge. Bernard Sobel, peut-être une des premières images ou une image. Si je parle sérieusement, je crois que le visage que j'ai d'elle au cinéma, c'est essentiellement dans Les Dames du Bois de Boulogne de Bresson. Et puis un film qu'elle a joué en Italie, dans lequel elle jouait une vieille sorcière. Pour le cinéma, la difficulté, c'est que, avant tout, je pense que Maria est une actrice intelligente. Et que sa poésie vient de son intelligence. Je pense qu'elle voyait dans le jeu de la comédienne avant tout une relation d'intelligence avec le public. Dans le fond, elle réclamait, sans le dire explicitement, du spectateur de voir à la fois son jeu et l'être qu'elle était censée représenter. On pourrait presque dire comme l'art d'un acteur chinois, c'est-à-dire qui pouvait se regarder faire ce qu'il faisait. C'est pourquoi elle préférait les répétitions, parce que les répétitions, c'était l'endroit où il y avait à la fois l'analyse et la tentative de concrétiser quelque chose. Mais les deux étaient en même temps visibles. On n'attendait pas d'y croire bêtement. C'était autre chose. Voilà. Il y avait également peut-être dans le travail de théâtre, les répétitions, donc la recherche comme ça, le fait de fouiller un personnage, alors qu'au cinéma c'est quelque chose de beaucoup plus factice, enfin de plus... Non, ça peut être au cinéma, mais je veux dire qu'il y a très peu de metteurs en scène qui, au théâtre, si on veut, le travail de tout le monde passe par l'acteur. C'est lui qui est dépositaire de l'effort commun et qui va en rendre compte. Et il y a certains moments, on peut dire, où l'acteur, qui est assez histrionesque, ne rendra compte que de son histrionisme. Maria, je pense que ça n'était pas ça. Et donc, au cinéma, là aussi, il y a répétition et recherche. Il y a de très grands acteurs qui ont les mêmes qualités que Maria et où le plaisir de les voir jouer vient du fait que on partage l'intelligence qu'ils ont mis à essayer de comprendre leur personnage. Les deux choses sont visibles à la fois. Et c'est ça qui la rend un peu étrange et qui fait qu'elle a toujours eu des difficultés. C'est pas quelqu'un où les choses allaient de soi. Et il fallait lui donner le terrain où elle avait l'occasion d'exercer son intelligence. L'intelligence, je veux dire, sa réflexion, tout ce qui la constituait en tant qu'être pensant, qui faisait partie de son travail d'acteur. Et des fois, on dit, faut oublier, faut en arriver comme si on y était, etc. C'est-à-dire d'enlever tout le travail pour qu'il y ait quelque chose de tout à fait mystérieux qui arrive, etc. Et alors pourquoi elle aimait les répétitions? Parce qu'aux répétitions, c'était le travail qui était aux avant-postes. Il ne s'agissait pas de l'enlever. Et vous l'avez mis en scène dans Écube. Si on prend par exemple un exemple précis, vous l'avez mis donc en scène au théâtre dans Écube. Et en même temps, vous avez filmé, je crois. Oui, ce que je filmais, je dirais, c'est d'abord parce que, si vous voulez, là où elle était splendide, c'est quand son personnage devait faire un effort d'intelligence pour comprendre les choses et quand son personnage se battait avec son cerveau, avec sa tête, pour se sortir de telle ou telle situation. Par exemple, je pense qu'un des plus beaux plans dans Écube, c'est le moment où elle regarde le spectateur. Mais son regard est un regard dans lequel elle savait mettre de la pensée. Je veux dire, le regard devenait abyssal. Parce que c'était un regard qui était chargé de toute la réflexion auquel le personnage même avait été confronté. Je dirais que c'est ça la qualité du regard de Maria. Il n'est pas fascinant en soi, bien qu'elle fût très bien belle, mais c'est pas ça. Je pense que ce qui fascine à un moment donné, c'est le fait qu'elle réfléchit beaucoup. Il y a des cinémas qui vivent du dialogue de l'acteur avec le public. Chaplin, quand il joue, présuppose son spectateur. Son spectateur est inscrit dans sa manière de jouer, hein, d'une certaine façon. Alors, naturellement, quand on le lui demandait, elle pouvait, à travers la caméra, entrer en dialogue avec son public. Encore fallait-il qu'on le veuille. Si on était de l'autre côté de la caméra, de lui dire tu parles à la caméra, ça veut dire tu t'adresses au public, même à travers ton personnage. Mais si on lui dit tu es le personnage, je filme, elle ne savait plus quoi faire, elle ne savait plus Pour Maria, l'art de la comédienne est un art dialogique, avant tout. Elle peut, c'est-à-dire, et même pour arriver dans des zones de passion, d'oubli de soi, etc., il a fallu qu'il y ait ce travail de la pensée. Et est-ce qu'il y avait parfois, par exemple, on voit dans Les Dames du Bois de Boulogne, et peut-être aussi dans cet œil comme ça qui peut la regarder comme celui de la caméra, une sorte de chose non pas rétive, mais bon, contenue à l'intérieur de soi. C'est-à-dire à ce moment-là, bon, l'actrice de théâtre devenait actrice de cinéma en retenant des choses. Enfin, est-ce que vous aviez cette sensation, cette perception? Oui, je pense que très souvent, quand elle était au cinéma, elle sentait qu'elle n'était pas à sa place. Voilà, donc c'est ça sa retenue, c'est qu'il y avait une pudeur. Ou alors le metteur en scène savait travailler avec elle et lui donner toute confiance, mais s'il ne la lui donnait pas, elle avait en quelque sorte horreur de cette machine. D'un studio de cinéma où la caméra vient chercher la personne plus que le personnage, d'où le public acteur est absent, est remplacé par une petite multitude de voyeurs, et où la continuité de l'œuvre m'a toujours échappé en miettes éparses, je suis toujours sorti bredouille. Encore et toujours tendu à la poursuite d'un personnage dont je n'avais côtoyé que de vagues profils perdus, et que seul mon metteur en scène connaissait pour ne retrouver à la fin, au vestiaire, que moi-même, tel quel. Là où je m'étais garé en arrivant, afin de conjurer au maximum le viol de la caméra. C'est tellement évident dans Les Dames du Bois de Boulogne, où elle a souffert mort et martyr avec Bresson, où elle dit d'abord qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de haïr cet homme. Pourquoi ? Elle le haïssait parce qu'elle n'était plus qu'un objet entre ses doigts. Elle ne pouvait pas s'exprimer. Elle ne pouvait pas être, elle ne pouvait pas donner chair à ce rôle. Tu as peur, Isabelle? Non. Tu as peur, comme Schumann a peur, comme Jacques a peur. Mais c'est faux. Eh bien, tant pis s'ils ont peur. J'aurai quand même. Et si tu as un accident? J'aurai pas d'accident. Si ce soir tu as une rechute, ce sera la maison de santé pour toujours. Il est fort possible qu'il y ait eu en elle une forme de cruauté. Mais cette cruauté, je n'ai pas l'impression qu'elle s'adressait à autrui. Cette cruauté s'adressait à elle-même. C'est-à-dire cette espèce de dureté qu'il a portée dans la vie, à travailler, à vaincre, à plonger dans l'océan et à surmonter surtout son immense timidité, ont fait d'elle ce personnage un peu glacé. Mais glacé, je le répète bien, au cinéma. N'oublions pas qu'au théâtre, c'était une femme de chair. Jouer. Et c'est très curieux de voir ces deux visages, les deux visages de Cazares. Moi, je voudrais vous citer cette phrase quand elle a été interviewée à propos de Bresson et qui a fait scandale à l'époque parce qu'on a dit comment Cazares critique le plus grand cinéaste français de l'époque. Elle a dit, mais imaginez faire du striptease à froid devant des gens qui n'ont pas bu. Sans musique, vous pouvez imaginer un peu ce que furent mes premiers rapports avec le cinéma. Ils furent virulents, hagards, hallucinants même. C'est-à-dire qu'elle en était consciente. Elle était à la fois prise dans cette espèce de timidité et en même temps d'affolement et cette volonté de réussir, mais d'être la meilleure dans son métier. C'était une lutte de chaque instant. Donc c'est peut-être ça qui a donné cette dureté à ce personnage. Quand on lit ce qu'elle écrit, quand on sait ce qu'elle pensait, parce qu'en fait c'était une femme ardente, une femme qui aimait l'amour, elle l'a prouvé avec ses nombreux amants, avec cette vie chaleureuse. Elle buvait, elle fumait, elle rigolait. Il y a de très très rares photos d'elle. Moi, je vois une photo merveilleuse d'elle auprès de Camus, par exemple. C'est une jeune fille dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute son innocence. Et dans un autre moment, on la voit à l'écran et on voit une femme dure, sévère, fermée, noire et pleine de noirceur. C'est absolument hallucinant. Vous ne savez pas ce que j'ai souffert. Non. Maria Cazares avait aussi cette dimension dramatique, cette dimension de mort, cette dimension de sang, cette dimension de dureté. Prenons Ombre et Lumière de Calef. Oui. Un film qu'elle tourne avec Simone Signoret. Oui. Tu imagines Cazares la noire, Simone Signoret la blonde. Simone a un visage d'ange, Maria a un visage un peu démoniaque. Elle est amère. C'est une petite couturière qui va devenir de plus en plus grande couturière, mais qui a eu des hauts et des bas. Signoret est une immense pianiste connue. C'est la sœur qui a tout eu, l'argent, la richesse, et qui devient amnésique quand elle joue concerto de Tchaïkovski. Le concerto de Tchaïkovski. Bon. Simone passe 2 ans dans un hôpital psychiatrique. Elle est soignée son amnésie. Elle renaît à la vie. Elle renaît aussi à l'amour. Et elle rencontre qui ? Elle rencontre l'ex-amant de Maria. Seulement, quand elle le rencontre d'une manière tout à fait fortuite, Maria vient d'être plaquée. Il la plaque parce qu'il en a marre, parce qu'il ne veut plus vivre avec elle. D'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est exactement au départ le même scénario que les Dames du Bois de Boulogne. Quand elle se rend compte que son ex-amant est devenu l'amant amoureux fou de sa sœur pianiste, elle va tout faire pour empêcher cet amour. Et, bien entendu, elle ne peut pas lutter contre l'amour, malgré toutes ses machinations, malgré sa méchanceté. Et je crois que dans Ombre et Lumière, on n'a pas vraiment vu toute l'harmonie du jeu de Cazares, là. Parce que c'est une amoureuse qui est bafouée, qui est à la fois partagée entre, je crois, un amour pour sa sœur et en même temps par sa passion pour cet homme qu'il a abandonné. Et tout le long du film, il y a ce double jeu qui est assez extraordinaire. Et je crois que le public a vu que la méchante et non pas la femme qui souffrait. On lui confie des rôles de femme qui perdent. C'est une perdante. Oui, je crois que c'est... C'est peut-être, un paradoxe. Oui, je crois que c'est peut-être de cela qu'elle a souffert. Parce que Maria Cazares, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour porter des rôles au théâtre, pour leur donner vie, pour leur donner chair. Et au cinéma, comme elle dit elle-même, on ne prend pas sa chair, on ne garde que sa carapace. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Tu es toute puissante. À vos yeux. Chez nous, il y a des figures innombrables de la mort. Des jeunes, des vieilles qui reçoivent des ordres. Et si tu désobéissais à ces ordres, ils ne peuvent pas te tuer, c'est toi qui tues. Ce qu'ils peuvent est pire. D'où viennent ces ordres? Tant de sentinelles se les transmettent. C'est le tam-tam de vos tribus d'Afrique, l'écho de vos montagnes, le vent des feuilles de vos forêts. J'irai jusqu'à celui qui donne ses ordres. Mon pauvre amour, il n'habite nulle part. Les uns croient qu'ils pensent à nous, d'autres qu'ils nous pensent, d'autres qu'ils dorment que nous sommes son rêve, son mauvais rêve. Quand Cocteau m'a proposé de jouer la mort, c'est fou. C'est qu'on me proposait de jouer la mort tout le temps. Que ce soit à la radio, que ce soit dans certaines pièces. Même déjà au Mathurin, j'avais joué une fois la mort dans une pièce, dans Federico. Et j'ai pas très bien compris pourquoi, mais je crois qu'en fait... C'est à cause du tempérament tragique, du sentiment tragique de la vie que nous avons dans le pays de mes origines, en Espagne. C'est-à-dire, où la mort est là, tous les jours. Peut-être que ça se sent. Peut-être que, parce que je suis plutôt vivante. Alors, mais peut-être que on sent que vie et mort, ah, c'est comme les deux faces de la main. Et que j'étais plutôt à l'aise, si on peut dire, dans cette, dans l'interprétation de ce soi-disant personnage. Et les lois qui régissent l'autre monde sont si différentes des nôtres. J'ai pu déborder mon travail sans m'en rendre compte. Pour supplément d'enquête et pour la suite de votre interrogatoire, nous attendons un inculpé et un témoin. François Perrier, chauffeur de la princesse et Angère de Bise, dans Orphée et le testament d'Orphée de Jean Cocteau. Avec Maria Cazares, c'était, c'était une complicité extraordinaire. Car c'était deux personnages, au fond, qui étaient assez éloignés l'un de l'autre. Car elle avait tout de même ce côté, enfin, j'ai enfoncé une porte ouverte, elle avait ce côté espagnol, elle avait ce côté violent et passionnel, et passionné. Mais elle était, en fin de compte, très docile. Ce que, d'ailleurs, en fait, sont presque toujours les grands. Mais, par exemple, je n'ai jamais entendu Jean lui dire « Attention, Marianne, n'oublie pas que tu es la mort. » Jamais. Il ne disait jamais ça. Non, non. Il partait du principe qu'elle le savait et qu'il ne fallait pas lui expliquer ce que c'était que la mort. Elle n'avait pas besoin. Mais il fallait l'aiguiller. Il faisait aussi bien, d'ailleurs, pour les autres. Mais il ne donnait pas d'indication précise. C'était par petites touches, par des réflexions qui paraissaient infimes sur le moment, et qui, en fin de compte, vous mettaient dans un climat, dans un état qui était celui qu'il avait eu au moment où il avait écrit. Maria Cazares, elle se sentait libre. Oui, elle se sentait libre avec sa frénésie, avec son côté frénétique qui était même pour le partenaire au début. Je me souviens, j'ai eu du mal à m'habituer parce que dès que que ça tournait, dès que c'était enregistré, c'était quelqu'un d'autre. Même son ton était différent. Brusquement, et on avait l'impression qu'il sortait d'elle quelque chose d'autre que ce qui sortait dans la vie de tous les jours. Elle n'avait rien de quotidien, jamais. Et pourtant, ce n'était pas quelque chose de fabriqué, c'était encore... Absolument pas. C'était simplement parce que, à ce moment-là, elle était le personnage. Elle devenait le personnage. Mais avec une rapidité, avec une facilité extraordinaire. Enfin, facilité, je ne sais pas, elle a peut-être beaucoup de mal à y arriver, mais... En tout cas, on avait une impression d'une facilité extraordinaire. Est-ce que c'était ce pouvoir à la fois d'intensité et de concentration? Oui. Si j'ose dire, elle avait de l'intensité à la ville. Quand on lui parlait dans la vie, on avait un peu l'impression de s'adresser ou à la mort ou à un ange. C'était quelqu'un de surnaturel. Je ne veux pas dire qu'elle n'était pas naturelle. Cocteau pouvait se permettre, par son intermédiaire, des choses qui n'aurait jamais osé sans elle, et elle, par contre, pouvait vraiment donner libre cours à son côté passionnel et presque exagéré qu'elle avait par nature. Je crois que l'un et l'autre étaient très heureux de cette confrontation. Et en même temps, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il lui donnait la possibilité de jouer ce qu'elle aimait au théâtre, c'est-à-dire les métamorphoses. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais te quitter. Je te jure que je trouverai le moyen de nous réunir. Dis pour toujours. Pour toujours. Jure-le. Je le jure. Je me souviens la première fois quand j'ai vu Orphée, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Elle joue la mort d'Orphée dans l'Orphée de Cocteau. D'ailleurs, elle n'a pratiquement joué que des films... Je dirais des films à texte, des films écrits par de grands écrivains et de grands poètes. C'est assez curieux. Donc je pense que c'est un choix aussi de servir le texte, ce qu'elle aimait. La poésie, elle l'aimait à la folie depuis sa plus petite enfance. Et justement, dans ces films poétiques, en fait, c'est peut-être là où elle devait se sentir le plus en sympathie, en fait, avec le cinéaste, puisque on la sent plus à l'aise dans Orphée ou même dans le Testament d'Orphée. Oui, il y a une dizaine d'années qui séparent Orphée du Testament d'Orphée, c'est-à-dire que le premier a été réalisé dans les années 49 et le second dans les années 59, voilà, oui, bien sûr, 10 ans sans jouer au cinéma, mais une fidélité à Cocteau et une fidélité au poète. Dans Orphée, elle est étonnante. Elle est étonnante à la fois fascinante, ambiguë, toujours noire, toujours vêtue de noir, avec ses grands yeux qui mangent l'écran. Elle attire, elle est à la fois l'ombre du poète et elle est à la fois la nuit du poète. Elle personnifie bien, je crois, ce que Cocteau a voulu qu'elle soit. On sent qu'elle se plie à ça, et qu'elle entre là-dedans vraiment comme dans une seconde peau. Et même si elle fait peur, moi je me souviens, comme je vous le disais, cette image, peut-être que de mes propres fantasmes, peut-être, je ne sais pas, de cette mort latente, présente, mais avec un je ne sais quoi d'humanité au fond du regard. Parce que quand la caméra saisit son regard, qui pour nous est noir, mais en fait qui était clair dans cette époque de noir et blanc, étonnant, elle est émouvante. Elle a regardé aujourd'hui, 10 ans plus tard, 20 ans, 30 ans plus tard, la même émotion passe. Et on sent dans le frémissement de sa main, dans le frémissement de ses lèvres, dans le frémissement de son regard, dans ce fin fond du regard, quelque chose qui est étonnant. D'ailleurs, elle aime Orphée. Et cet amour est perdu, qui va aussi, là encore, l'amener à sa perte. Elle joue toujours des rôles de femmes qui sont vouées à leur perte. C'est une actrice qui est inclassable, elle est iconoclaste, en fait, dans le cinéma, enfin. On dirait aujourd'hui qu'elle est atypique. Bien entendu, c'est l'époque de Signoret et c'est l'époque de Magnani. Bon, ce sont des femmes pulpeuses, chaude, extravertie, et Cazares est tout en introversion. C'est peut-être ça que le public ne lui a pas pardonné, en effet, de ne pas être une bacchante hurlante, mais d'être une espèce de déesse froide. Ce qui est étonnant avec Cazares, c'est que le spectateur va se fixer sur la façon dont elle est habillée, sur ses yeux, sur sa bouche. Si on fait un tour d'horizon de sa façon, ou comment on l'a affublée, de sa façon de s'habiller, c'est assez étonnant, parce que dans Les Enfants du Paradis, elle semble un petit peu fagotée, elle est serrée dans une petite robe, elle est petit peu minable de cette petite comédienne de cette troupe qui joue dans la rue. C'est assez étonnant, alors que nous avons en face d'elle merveilleusement drapée, Arletty, hiératique, sublime, blanche, déesse lunaire. Ça, c'est une chose. Dans Les Douanes du Bois de Boulogne, elle a un long manteau, elle est encapuchonnée, elle passe comme une ombre, comme ça, entre les voitures, d'appartement en appartement, avec ses cheveux noirs déployés sur les épaules quand elle est en train de se polir les ongles, avec son regard un peu en coin. C'est aussi étonnant. Dans le mélodramatique qu'elle a joué dans les années 45, c'est encore plus étrange. Il y a une de ses apparitions où on la voit totalement drapée dans une espèce de manteau très fin, comme une momie. On ne voit simplement en relief que ses petits poings serrés. C'est étrange, quand même, hein, d'être habillée comme ça. C'était dans le film D'André Cayatte. Voilà. Roger la honte voilà. De 45, voilà, c'est ça. Et alors là, il semblerait qu'en fait, ce soit dans ce film-là, la première apparition de Maria Cazares, qui préfigure presque le personnage d'Orphée, enfin... dans ce... Mais Orphée, elle est en pantalon, elle est à la sa taille de guêpe, elle est beauté, c'est tout juste, elle est pas casquée, elle est, et c'est la mort en marche, la mort vivante, je dirais, paradoxalement, puisque Cazares dit à juste titre dans ses différentes interviews qu'elle a toujours vécu avec la mort, hein, que pour elle la vie était tout à fait naturelle. Parce que la vie, c'était la vie et la mort, que c'était un tout, et qu'on ne pouvait pas vivre si on n'était pas accompagné par la mort. Et elle le dit avec une simplicité absolument extraordinaire, puisque vers la fin de sa vie, elle avait demandé à un de ses amis de lui offrir en cadeau de Noël une tête de mort. Et quand elle regardait cette tête de mort, qui faisait peur à tous ses amis d'ailleurs, elle trouvait de l'apaisement. Non, je vous assure, il faut que je m'en aille. Encore ? Comme cela doit être facile. Qu'est-ce qui doit être facile ? Facile de s'en aller puis de revenir. Vous partez, on vous regrette. Le temps travaille pour vous. Vous revenez, tête nouvelle, embellie par le souvenir. Oh oui, cela doit être facile. Mais rester. Vivre avec un seul être. Partager avec lui la petite vie de tous les jours. C'est autre chose. Oui, autre chose, et vous ne pouvez rien contre cela. 6 années, vous entendez ? 6 années, j'ai vécu avec lui. Moi aussi. Vous aussi ? Oui, moi aussi. N'importe où, partout et tous les jours. Et même la nuit. Toutes les nuits que je passais auprès d'un autre. Toutes les nuits, j'étais avec lui. Garance. Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Oui, savoir ce qui me reste. Et si vous me laissez de quoi vivre. Maurice Béjart. Je pense que les gens qui aiment beaucoup la mort, moi j'en suis, comme tous les Espagnols, ont une vitalité intense. Et je crois que Maria, c'était la vie. C'était la vie, c'était le rire. Ce que je me rappelle de Maria, surtout, c'est son rire. Un rire inimitable, extraordinaire, immense. Et je crois que toute la littérature et la vie populaire réelle espagnole est une vie qui aime la mort, mais qui abonde dans l'exubérance baroque de la vitalité. Préparée, vêtue, ornée, telle une péripatéticienne des temps modernes, je ne soumettais aux lois des spots et des rails qu'une part de moi-même, tout en appliquant mes volontés à sauvegarder l'autre, et ne donnant comme la prostituée que mon corps et mon visage à cette partouze sans débauche où je me devais d'officier. Puisque vous vous obstinez dans votre attitude, j'aimerais du moins savoir quelle est ici-bas l'étendue de votre potentiel de métamorphose. Bon, ne prenez pas cette éraillerie. Je fais allusion à la métamorphose d'une orchidée en tête de mort. Non, ce rite relève d'un cérémonial. Je pense que les films qu'elle a fait plus tard, je crois par grande générosité, puisqu'elle n'a fait après les années 70, hein, il me semble, 70-80, que des films, je dirais, d'art et d'essai, des films de jeunes auteurs qu'elle a voulu aider, où elle apparaît enfin en... couleur, on sent tout le frémissement intérieur, on sent toute la lutte intérieure, on sent tout ce qu'elle veut faire passer. Mais si on ne retient que l'image extérieure de Cazares, en effet, on la plaque dans un personnage et on l'oublie. Parce que, en fait, Cazares aurait pu être la plus grande diva des années 50. Aussi diva que la Callas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons faire que des suppositions. Nous pouvons penser simplement que le cinéma ne lui a pas apporté des satisfactions, je dirais, charnelles. autant qu'au théâtre. Et c'est pour ça qu'elle a coupé avec le cinéma. Parce qu'il y avait, sûrement une carrière pour elle. Mais aussi, il faut se dire qu'elle est à la veille des années 60. Elle est à la veille de la Nouvelle Vague. Et que là, tout le paysage du cinéma français change. Il y a une espèce de libération sexuelle, mentale, physique, intellectuelle. Ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus une époque classique. On descend dans la rue. On arrive vers 68. Et elle ne fait plus partie de ce monde-là. En revanche, c'est pour ça que j'insiste sur le théâtre en contrepoint. Parce que, en fait, Maria Cazares a vécu une vie en contrepoint. C'est parce qu'au théâtre, elle continue à servir les classiques. Elle continue à servir les poètes. Elle continue à servir le texte, parce que c'est une amoureuse du texte, une amoureuse des auteurs. Quand elle rencontre, par exemple, Camus, c'est un coup de foudre, mais c'est aussi un coup de foudre, non seulement pour l'homme, puisqu'ils vont vivre ensemble, mais c'est aussi un coup de foudre pour l'auteur, Camus, c'est le malentendu. Et dans ce malentendu, elle va se trouver à l'aise. Et je pense que ça signe un peu la vie cinématographique de Maria Cazares, c'est le malentendu. Oui, mais enfin, c'est peut-être ce qui explique également le fait que bon, les cinéastes de la Nouvelle Vague ne vont pas être tout à fait attirés par Maria Cazares. À l'époque, c'est vrai que Maria Cazares a entamé sa carrière théâtrale avec le TNP et pendant 15 ans, il y a quand même une coupure. N'oublions pas, il y a cette empreinte espagnole qu'elle va porter comme une danseuse de flamenco. C'est-à-dire que on suggère, on attire, on accroche, on séduit, mais on ne montre rien. Une danseuse est entourée de plis, de jupes légères, mais on ne voit rien. On ne voit rien. Elle est aussi dure qu'une castagnette, d'ailleurs, je dois dire. Des images qui ne semblaient pas lui appartenir affluaient, se multipliaient, se bousculaient, jouaient en course éperdue à chat perché. Et elle se hâtait, harassée à leur poursuite, pour rattraper l'événement. En 1975, Jean-Henri Meunier réalise son premier film avec Maria Cazares et pour elle, L'adieu nu. Moi, je n'avais jamais fait de film auparavant, je n'avais jamais écrit de scénario. Et c'est par un ami acteur de théâtre, comédien de théâtre, qui m'avait permis de rencontrer Maria. Et donc, je lui ai porté mon scénario comme un petit enfant devant une grande dame, quoi. Et elle l'a lu. Et après, moi, j'arrivais à Paris, j'avais absolument pas d'argent, rien. Et une fois qu'elle a lu le scénario, elle m'a fait venir dans une maison qu'elle avait, un moulin à la campagne, je crois, dans le sud-ouest. Et pour me dire qu'elle aimait beaucoup et qu'elle était vraiment ravie et contente de faire ce film. En plus, c'était un scénario, il n'y avait pas vraiment une histoire, c'est un film un peu, enfin, oui, dans la marge. Elle a tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, quoi. Et moi, je sais même pas si j'ai su ou complètement prendre ce qu'elle donnait, quoi, ou même comprendre, quoi. Et est-ce qu'elle a travaillé en amont, en fait, du tournage, sur le synopsis, sur le personnage qu'elle devait jouer? Est-ce qu'elle intervenait comme ça? Vous avez travaillé ensemble sur l'écriture même du scénario de ce film? Ouais, c'est-à-dire que on n'écrivait pas ensemble, mais pendant les 15 jours où je suis resté chez elle, là, dans son moulin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, quoi. Du personnage, de la folie. Elle avait beaucoup de textes œufs à dire dans le film, des extraits des loges de la folie, des races, mais tantôt elle me faisait des lectures, on choisissait les phrases des races ensemble. Moi, j'arrivais à Paris, j'avais pas une thune, j'y galérais, j'avais pas d'endroit pour dormir. Il y avait aussi ce côté maman, quoi. Enfin, incroyable, quoi. Maman. Après, quand elle est restée dans son moulin, comme elle savait que j'avais pas d'appartement à Paris, elle m'a donné ses clés de son appartement. Après, on est arrivé sur le tournage, on n'avait pas d'argent. je crois qu'on avait 4000 francs à l'époque pour faire le film. Quand on est parti, c'était un producteur, Pierre Cottrel, qui m'avait permis de rencontrer des gens, enfin, de trouver de la pellicule, enfin, vraiment tout à la débrouille. Et Maria, elle était là dans une équipe, quoi, enfin, avec un réalisateur qui était pas vraiment qui était même pas du tout un réalisateur, qui avait jamais fait de film. C'est elle, avec son argent, qui payait à manger pour l'équipe du film, qui. Et sur le tournage, quoi, elle était tellement, je sais pas comment dire, quoi, pas docile, mais elle se donnait complètement. Il faudrait arriver à faire, étant donné que nous avons comme instrument notre corps, il faudrait arriver à le maîtriser, à le lâcher d'abord, à mettre des forces mystérieuses dedans, hein, à les lâcher, et en même temps, d'autre part, à maîtriser ses forces, et que ce soit totalement équilibré. Eh bien, d'où sors-tu? Qu'est-ce que tu as encore fait? Je savais très bien que tu déjeunais chez Thérèse. Oui, seulement ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait déménagé pendant mon absence. Je me suis cassé le nez à son ancien domicile. Tu es allé rue de Franqueville? Mais évidemment. J'ai même eu des ennuis avec la bonne du nouveau locataire. Sans son patron, je n'aurais rien compris à la situation. Ah. Ensuite, je suis allée dans un bistrot pour t'appeler. Il y a une chose qui est manifeste chez Casares. C'est son économie de moyens. Elle n'a pas connu l'Actors Studio. Elle a fréquenté un petit peu la Comédie Française. On est parti très vite, on le sait. Elle se nourrit de sa propre substance. D'ailleurs, cette espèce de minceur qui confine à la maigreur, cette manière retenue d'être, on sent qu'elle se mange elle-même, comme un phénix. Elle se bouffe elle-même. Elle ne bat pas des cils. Elle ne fait pas des mimiques exagérées. Elle est, si on pouvait la comparer à une certaine peinture, minimaliste. Elle fait le moins possible et elle en dit le plus. C'est un jeu tellement subtil qu'il faut être accroché à son regard et à sa bouche pour comprendre tout le drame qui se joue à l'intérieur. Et ça, c'est extraordinaire. Je crois que c'est une des rares comédiennes transfuge au cinéma qui a réalisé cette chose unique d'être et de ne pas être en même temps. C'est d'apparaître et de disparaître en même temps. Et c'est pour ça que je crois aussi que ce film qui s'appelle Ombre-Lumière, c'est un film qui est tout à fait le reflet de son propre jeu. Elle n'est qu'ombre et lumière. Elle le dit d'ailleurs dans son livre. Tutto o nada. Tout ou rien. Et elle est tout le temps tout ou rien. Écoute bien. Et ensuite, médite en ton cœur de toute ta raison. Si tu désires être chevalier, tu dois auparavant éclairer ton désir par les lumières de la raison qui fut donnée à l'homme pour porter un jugement droit avant de passer à l'action. Les premiers chevaliers 1990, ne furent pas de New Yorker, la film dans Les Chevaliers de la Table Ronde ou Mère possessive. Maria Cazares retrouve au cinéma la dimension du rituel. Quand il a été question de ce film sur les chevaliers, bien sûr, il y avait un élément très très fort dans le fleuve, c'était les rapports de la mère et du fils, de Viviane la fée et de Lancelot. Et donc, Maria m'a dit « Ah, alors si on joue la mère et le fils, je vais venir faire le film. » Et le personnage que vous lui avez confié donc dans votre film « Les Chevaliers de la Table Ronde » consistait en quoi ? Alors Maria est la fée Viviane, et donc le rôle est arc-bouté entre deux grandes scènes très longues. D'abord, le travail cinématographique sur ces deux moments, c'est un travail de gros plan. Et donc le visage de Maria, cerné, rapproché avec la force du gros plan que seul le cinéma donne, c'était un exercice du portraitiste dont le modèle était incomparable. Et donc pouvoir suivre Maria avec un texte, avec des choses à dire qu'elle aimait. C'était des choses argumentées qui n'étaient pas purement visuelles dans le film, mais en même temps tout serré dans un rapport de gros plan. Sa beauté et le temps sur sa beauté. Maria disait aussi, elle disait, ah, moi tout va bien parce que je n'ai pas peur de vieillir. Je n'ai pas peur de me montrer vieille femme, disait-elle. C'était beau avec la vertu de l'objectif de pouvoir se rapprocher très près d'elle. C'est-à-dire de pouvoir quasiment fouiller son visage comme sur un paysage. Oui, oui, oui, c'est la vertu du portrait. Tout d'un coup, la vibration de la peau, le temps tel qu'il s'est inscrit sur un visage aussi beau et puissant que le sien. Et une certaine liberté, parce que les a priori que Maria pouvait exprimer par rapport au cinéma, elle les laissait à la porte. Et c'était une actrice libérée, sans problème de paraître, qui jouait devant la caméra, dans son entier, dans son tout Maria. Elle venait, une fois qu'elle avait accepté de le faire, elle n'avait pas d'exigence particulière, d'inquiétude particulière. Elle jouait. Et pourtant, quand... Mais justement parce qu'elle savait que parfois, l'habitude peut se caricaturer elle-même sans qu'on s'en compte. Elle était très vigilante à ça. Elle savait que parfois, elle pouvait se parodier. Un temps, dans le temps des recherches. Elle savait par où elle pourrait se faire surprendre par elle-même. Jamais elle pouvait se contenter d'une approbation qui parfois pouvait être l'expression de la fascination qu'elle avait sur les autres. Oui, tu me dis que j'ai été bien, mais est-ce que ça je ne l'ai pas fait trop? Parce que ça je peux le faire trop. Toute baroque qu'elle était, toute chamant qu'elle était, elle recherchait la simplicité et non pas le bizarre, même si sa personnalité par certains côtés pouvait toucher au bizarre. Mais c'était jamais quelque chose qu'elle cultivait pour soi. Il fallait que ça reste dans son juste et dans son naturel. Et que c'est vrai que, alors qu'elle nous a donné des moments de folie extrême au théâtre à cause de sa dimension incantatoire, de tragédienne, elle pouvait, et en particulier au cinéma c'était flagrant, tout concentrer dans un jeu d'une extrême économie. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on la regarde par exemple au cinéma, de voir presque un acteur japonais. Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Une sorte à la fois d'immense retenue et de justesse, ne serait-ce que dans un regard que va capter le réalisateur, enfin le cinéaste. Oui, Les Chevaliers, c'était un aboutissement de ça. Là encore, geste juste, intention juste, vrai. Vérité. Et le réalisateur que vous êtes, Denis Yorka, le capte, cette chose-là. C'est ce qui en fait le secret, et presque le secret, la beauté même de cette actrice qui devient actrice, cette comédienne qui devient actrice de cinéma. Ouais, bien sûr, c'est tout l'enjeu. On tente de le capter. On est toute disponibilité, et en même temps, c'est comme la traque, ou c'est comme la pêche. Il faut saisir un instant. Les choses ont été dessinées pour elle. Il y a des gestes qui valent des paroles. Tu ne crois pas? Quel courage au moins de me répondre! Et qui la faute? À moi, évidemment. À moi qui ai été assez bête pour t'aimer. Assez amoureuse pour m'aveugler. Et assez lâche pour me propulser. Donne-moi encore une chance. Que me racontez-vous? Il n'y a point d'ici. Où nous sommes? Nous ne sommes nulle part. Je viens cependant de passer devant des mosaïques et une tapisserie que j'ai faite et qui orne la villa dont je vous parle. Il est possible que vous soyez passé devant cette tapisserie et ces mosaïques. Mais c'est qu'on a voulu mettre cette tapisserie et ces mosaïques sur votre passage. Peu importe où votre crédulité les imagine. Vous vous souvenez de ce film, ce documentaire qui a été tourné sur Picasso, qui s'appelait Le Mystère Picasso, où l'on voyait en gros plan les yeux de Picasso. Cette intensité dramatique, ce génie brûlant qui apparaissait dans les pupilles de Picasso, bon, on peut se dire qu'il y a aussi un mystère Cazares. Et quand Cocteau, qui l'a saisi, fait des gros plans sur ce regard de chat, on saisit aussi un autre génie qui dérange. Parce que, en fait, Cazares, dans toute sa carrière cinématographique, bien qu'elle soit très courte, a dérangé. Elle n'est pas accessible. Et elle a joué avec des gens remarquables. Je pense, bon, en duo avec Signoret, en duo avec Arletty, en duo avec Gérard Philippe, en duo avec Labourdette. Mais chaque fois, les personnages qui lui font face sont des personnages fragiles, jeunes, blonds, lumineux, et qui, toujours, la rejettent dans l'ombre. Et dans cette ombre même, là où elle puise sa substantifique moelle de comédienne, elle dramatise encore un peu plus son personnage, et on la dramatise un peu plus. Et c'est comme ça qu'elle apparaît, et c'est comme ça qu'elle est figée, je dirais, pour l'éternité du cinéma. Celui qui s'ennuie dans sa chambre s'ennuie partout ailleurs. Tu peux au contraire découvrir de ta fenêtre une infinité de ciel. Si tu es las de voir devant toi un visage aimé, regarde-le, attends, et bientôt il te surprendra. Seulement regarde-le, l'habitude est en toi, elle t'aveugle. Il n'y a rien de plus riche qu'un visage aimé, rien de plus mystérieux dans ses replis les plus connus, ni la rue, ni la mer, ni le feu. Regarde et vois, regarde, vois et reconnais. Je ne sais pourquoi j'allais danser. C'était Maria Cazares et le cinéma, une rencontre différée, par Florence Marguier, avec Agnès Aquerib, Elina Labourdette, Maurice Béjart, Michel Dumoulin, Denis Yorca, Jean Rimenier, François Perrier, Bernard Sobel. Extrait de Résidente privilégiée, lu par Catherine Sauvage. Archive INA, Catherine Louis. Mixage, Monique Burguière, Frédéric Quérou. Réalisation, Isabelle Iuel. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 mai 1997.